pour conclure ici cette assise d'aujourd'hui dans laquelle nous voulons nous renforcer à propos de ce sujet qui est un sujet très important, ce sujet que nous pratiquons même aujourd'hui, parce que nous venons assister à une séance de science, nous assistons d'une personne que nous connaissons. Pareil, aujourd'hui, je vous présente le frère Mohamed Abou Younous qui vient de Paris, de base, du 19e, qui a été pendant des années avec nous en Égypte, pendant à peu près 8 ans, c'est ça Mohamed ? 6 ans ? 6 ans avec nous en Égypte, qui est quelqu'un qui a réellement étudié, ça c'est une shahada, vous avez entendu, c'est moi qui rappelle la parole de l'imam al-Barbahari. Et cette shahada, je la fais pour Allah tabaraka wa ta'ala, wa la nuzakki ala Allahi ahadan. Ce frère que j'ai vu depuis qu'il est arrivé en Égypte, qu'il avait à peine la vingtaine à cette époque-là, et qui a toujours passé son temps dans les études de la science, dans l'étude de la science et dans les assises des gens de science, auprès de notre Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayh, Cheikh Khalid Abou Abdel A'la, Cheikh Khalid Abdelrahman, Cheikh Adil Sayyid, et autres que eux, parmi les gens de science, c'est quelqu'un qui venait assister, qui ne se contentait pas de s'asseoir, comme je l'ai évoqué, quelqu'un qui prenait le cahier, qui prenait des notes, qui apprenait lorsqu'il rentrait chez lui, et ceci se voit aujourd'hui par rapport à son niveau de science, lorsque tu discutes avec lui, lorsque tu parles d'affaires religieuses avec lui. Voilà, nous acquis Allah et Ahadan. Et pourquoi je voulais ramener ici, il va nous faire une petite allocution pour terminer le cours d'aujourd'hui, car c'est le frère Mohamed qui va me remplacer, comme je vous l'ai dit, le Jumu'ah, sur ce minbar, donc dans la mosquée de Ar-Rahma, de la ville d'Evry, et éventuellement donner un cours du vendredi auquel je vous conseille d'assister. Au cas où cette chose se réalise, puisque le frère est encore un petit peu indécis, j'espère qu'avec les paroles qu'il a entendues aujourd'hui, cela le décidera à prendre cette responsabilité. Je laisse nous faire une petite allocution concernant le sujet. Tabzid, fossil, akid. Le frère Mohamed avait préparé donc une parole sur le manhaj et par rapport à ce sujet aussi. Et j'ai rappelé une grande partie de ce qu'il voulait rappeler. Ceci vous montre une base importante chez les gens de la sunna, les étudiants en sciences des gens de la sunna, le fait que nous sommes sur la même voie, sur la même chose. Lorsque nous parlons d'un sujet, lorsque tu écoutes les savants de la sunna qui parlent sur un sujet, tu les entends parler, rappeler les mêmes versets, les mêmes hadiths, les mêmes athars des gens parmi nos pieux prédécesseurs, de même chez les étudiants des gens de la sunna. Et ceci est bon d'entendre ces mêmes paroles de la bouche de quelqu'un d'autre, que ce ne soit pas quelque chose qui soit propre à un frère qui est estimé comme étant quelqu'un parfois de dur, quelqu'un qui est difficile, qui dit certaines paroles et qui est dur dans ses conditions. Barakallahu fik Mohamed, tafadhal. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Premièrement, je voudrais remercier Allah Azza wa Jal de nous avoir réunis dans cette assise, les assises de science, les assises de rappel, car ça c'est un énorme bienfait qu'Allah accorde à son serviteur qui reste accroché aux gens de la sunna. Il se réunit avec les gens de la sunna et participe aux assises des gens de la sunna pour écouter des versets, pour écouter des hadiths, pour écouter des paroles de savants. Car ça, c'est une chose vraiment importante et une chose auquel le salafi doit se cramponner. Alhamdulillah. Ensuite, j'aimerais remercier le frère Abdelsamad pour la bonne opinion qu'il a de moi, car je me considère honnêtement en deçà de ce qu'il vient de dire, mais qu'Allah nous pardonne et qu'il cache nos efforts et nos péchés. J'aimerais revenir sur la parole de l'imam Ibn Sirin, la parole que le frère Abdelsamad, qu'Allah le préserve, vient de citer, la parole qui consiste à dire inna hadha al-ilm din fanzuru amman ta'khuduna dinakum, que cette science est une religion, voyez donc de qui vous la prenez. Et cette science, c'est l'héritage des prophètes, donc on ne peut pas se permettre de prendre cette science de n'importe quelle manière. C'est l'héritage des prophètes, c'est ce que les prophètes ont laissé. Ils n'ont laissé ni dinar ni dirham, ni or ni argent, mais ce qu'ils ont laissé, c'est cette science qui est notre religion. Donc on ne peut pas se permettre de la prendre n'importe comment. C'est pour ça que cette parole de l'imam Ibn Sirin, c'est un fondement établi chez les gens de la sunna. C'est un fondement très très très important à comprendre et à appliquer, car c'est la religion que les prophètes nous ont laissée. Et donc, quand on médite cette parole, on voit qu'il accorde de l'importance à la science en elle-même, et l'importance à la personne de qui on prend cette science. Donc on ne peut pas se permettre de prendre la science de n'importe qui. C'est pour ça que les savants ont cité des conditions chez la personne chez qui on doit apprendre la science, comme les frères de Samadhi l'a cité. Parmi ces conditions, c'est que cette personne fasse partie des gens de la sunna. Donc l'innovateur, on ne prendra pas de lui la science. Et la deuxième condition, et c'est sur là que je voulais à la base concentrer ma parole, mais le frère, qu'Allah le préserve, il a rempli la tâche à la Mabarak, c'est le fait que la personne soit apte à enseigner. Que cette personne-là soit apte à enseigner. Parce que une personne, comme il l'a cité le frère de Samad, peut être parmi les gens de la sunna, sans pour autant être capable de transmettre cette science-là. Il a pu étudier, mais il n'est pas apte à transmettre. Car les étudiants en sciences, comme il a cité, ils peuvent pouvoir assister au cours des ulama sans pour autant avoir vraiment compris, assimilé la science. Et un exemple qui parle à tout le monde, on était tous à l'école. Pourtant, il y en a des élèves qui étaient meilleurs que d'autres. Pourtant, c'était les mêmes informations qu'on entendait. Ce qui prouve que la personne, il peut avoir assisté au cours sans pour autant avoir compris, avoir assimilé. Et en plus, le fait de pouvoir la transmettre, ça c'est encore un degré plus élevé. Donc on ne peut pas seulement se contenter de se dire que le frère, il fait partie des gens de la sunna, que le frère, il a étudié aussi pour assister à ses cours. Il faut être sûr que cette personne-là a vraiment compris et assimilé cette science qu'il a apprise. Et un point aussi qui est très important, et c'est un point qui est un peu méticuleux et un peu précis, mais sur le fait que même si ce frère-là, il a étudié et qu'il se met en avant, il faut connaître le degré de chaque frère, de chaque étudiant. Car même chez les savants, il y a des degrés. On a les grands savants, on a les savants, on a les étudiants en sciences, etc. Et aussi les frères qui enseignent, les frères qui sont dans la prédication dans la Darwa en France ou dans les autres pays, aussi sont à plusieurs degrés. Comme il a cité, il y a des frères qui ont étudié des années et des années et des années chez les savants. Celui-là, quand il se met en avant, les gens ils reviennent vers lui. Ils ont besoin de lui dans les questions religieuses. Ça nous rappelle un peu la parole de Cheikh Abdelrahman Mohiddin quand il a dit que Cheikh Abdelhadi, c'était le mufti de la France. C'est pour montrer que le Cheikh, il n'est pas au même degré que d'autres. Donc les frères qui se mettent en avant dans la Darwa, ils ne sont pas au même degré. Et ça aussi, c'est une chose que le salafi doit... sur laquelle le salafi doit faire attention et qui doit faire preuve de discernement. On ne revient pas vers tout le monde dans chaque sujet. Parce que le frère il s'assoit devant vous, que le frère, on revient vers lui dans les sujets pointus de la religion. Donc chaque frère à son niveau, on profite de chaque frère à son niveau et on fait vraiment attention à ce point-là. Et même comme il a dit au niveau de la recommandation, faire attention de dire ouais le frère c'est un grand étudiant en sciences, si ce n'est pas le cas. Parce que là, c'est une attestation qu'on donne. Les gens ils vont venir vers lui. Ils vont venir de partout pour venir profiter de sa science, alors que ce frère-là, malheureusement, il n'est pas à ce niveau-là. Donc il faut faire attention et vraiment voilà, se concentrer sur ce point-là. Là. Et Inch'Allah ta'ala, profiter des frères qui sont présents, mais chacun à son degré, à chacun à son niveau. Inch'Allah. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين